temps. Et justement, ça va m'amener au second point. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Pourquoi que le Rockstar, ça va être dur de leur pardonner ce moment-là? Dans le fond, c'est que si on fait un parallèle, comme je disais, avec Bizarre, ils ont un jeu qui était en solo, avec un mode Battle.net et tout ça, mais le jeu fait complètement qu'on s'implique sur les serveurs de Battle.net pour pouvoir jouer au jeu. Donc, ça fait en sorte qu'on est obligé d'avoir une notification en ligne. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont trouvé ça derrière à la base, mais c'était un élément nécessaire pour compter le partage sur mon écrit. Thank you. décidé de quitter les sentiers battus, son expertise de bande dessinée pour venir parler d'un jeu. Un jeu que je connais, que j'ai eu l'occasion de jouer un peu, mais que je n'y ai pas dans. Thank you. Je suis fan de tout le monde. Je vais le faire avec la petite boule de chrome. Avec une vidéo pour une vidéo pour

Sous-titrage Société Radio-Canada. Thank you. Et c'est l'initiation